Bah, Rudy, t'avais l'air bien parti. Je suis parti pour te dire de donner le programme. Alors, juste tout de suite, il y aura le workshop de la, le concert du workshop de la HEM qui va se passer dans le salon d'écoute. Ensuite, il y aura le concert de Yellow. Qui sont des élèves du Conservatoire Populaire, et ça, c'est à 17h dans la salle de jeu. Et j'essaie d'enseigner. Alors voilà, j'enchaîne avec le concert du Basel Sinfonietta, des œuvres de Asia Akhmetjanova qu'on a reçues tout à l'heure, Ashfur et Oscar Bianchi. Et ça se passera dans la grande salle à 19h. Et à 22h30 au salon d'écoute, donc toujours pour des conversations acousmatiques, on aura un live de Felicity Mangan, j'espère que je prononce bien son nom de famille, et une écoute du Général Magic et Anne Pita. Voilà, les installations sont aussi disponibles toute la journée, et puis l'atelier de Jérémy Chevalier qui vous accueille avec ses dispositifs terriens. Bonne journée. À demain.